Était-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu'au mois de mai? Qu'était donc devenue la gaieté ensoleillée des feuilles et la poésie verte du gazon, où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, où frétillaient, comme au bout de fils invisibles, les fantasques papillons jaunes? Et cette griserie de l'air, chargée de vie, d'arômes, d'atomes fécondants, n'existait plus. Les avenues, détrempées par les continuelles averses d'automne, s'allongeaient, couvertes d'un épais tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. Les branches grêles tremblaient au vent, agitaient encore quelques feuillages prêts à s'égrener dans l'espace. Et sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante et triste à faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à de larges sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. Elle alla jusqu'au bosquet. Il était lamentable comme la chambre d'un mourant. La muraille verte qui séparait et faisait secrète les gentilles allées sinueuses s'était éparpillée. Les arbustes emmêlés, comme une dentelle de bois fin, heurtaient les unes aux autres leurs maigres branches, et le murmure des feuilles tombées et sèches que la brise poussait, remuait, amoncelait en tas par endroits, semblait un douloureux soupir d'agonie. De tout petits oiseaux sautaient de place en place avec un léger cri frileux, cherchant un abri. Garanti cependant par les péridots, des ormes jetés en avant-garde contre le vent de mer, le tilleul et le platane, encore couverts de leur parure d'été, semblaient vêtus, l'un de velours rouge, l'autre de soie orange, teint ainsi par les premiers froids sur la nature de leur sève. Jeanne allait et venait, à pas lents, dans l'avenue de Petite Mère, le long de la ferme des Couillards. Quelque chose l'apesantissait, comme le pressentiment des longs ennuis de la vie monotone qui commençait. Puis, elle s'assit sur le talus où Julien, pour la première fois, lui avait parlé d'amour. Elle resta là, rêvassant, presque sans songer, alanguie jusqu'au cœur, avec une envie de se coucher, de dormir, pour échapper à la tristesse de ce jour. Tout à coup, elle aperçut une mouette qui traversait le ciel, emportée dans une rafale. Elle se rappela cet aigle qu'elle avait vu, là-bas, en Corse, dans le sombre Val d'Ota. Elle reçut au cœur la vive secousse que donne le souvenir d'une chose bonne et finie. Et elle revit brusquement l'île radieuse, avec son parfum sauvage, son soleil qui mûrit les oranges et les cédras, ses montagnes aux sommets roses, ses golfes d'azur et ses ravins où roulent des torrents. Alors, l'humide et dur paysage qui l'entourait, avec la chute lugubre des feuilles et les nuages gris entraînés par le vent, l'enveloppa d'une telle épaisseur de désolation qu'elle rentra pour ne point sangloter.